Dan Bigras est associé à votre campagne électorale, en tout cas dans le comté dans lequel il réside, puis il vous appuie, puis c'est très bien, puis il a le droit de le faire, puis c'est parfait. Je vois aussi dans le même cadre financier dont on parle depuis le début de l'entrevue que vous auriez l'intention de taxer les publicités encourageant l'usage du pétrole. Est-ce que vous saviez que M. Bigras était le porte-parole principal d'un camion qui s'appelle le Dodge Ram? Non, je ne savais pas. Mais écoutez, j'en discuterai avec lui. Pour devoir solliciter des dons, il ne connaît aucun ingénieur, il n'est pas marié à un millionnaire, ça nous ferait tout un premier ministre. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey! Bonsoir tout le monde, bonsoir! Eh boy! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de faire un choix intelligent pour aller voter lundi. Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Vous savez pour qui vous allez voter, vous? Ah ben moi, j'ai déjà voté. Ah oui, c'est vrai, vous avez voté par anticipation. Oui, en 2012. Ah! Je me déplace aux 4 ans, moi. Ah oui, hein? Ah ouais, c'est aux 4 ans. Non. Ouais. Ça compte, hein? Pour 2012, ça compte. Ben oui. C'est sûr que c'est pas une campagne qui va aider à combattre le cynisme. Non, c'est clair. Mais même le cynisme a reçu de la boîte. Ah non! Plus que ça, le cynisme a émis un communiqué pour dire qu'il se dissociait de la campagne. J'aurais fait la même chose. Ben non. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce sont les journalistes qui ont alimenté ça. Hein? Ouais, c'était mais clair, là, ces gens-là, ça doit être des péquistes, j'imagine. Surtout après qu'Alain Gravel ait sorti le scandale du PQ et des prête-noms en 2007. Là, ouais. Oui, ça n'a pas aidé ça. Mais en même temps, on commence à creuser, là, assez loin, 2007, là, je veux dire. Non, mais il est temps que la campagne finisse, ben ouais. Hein, parce que, je veux dire, on est sur le bord d'apprendre que Françoise David aurait déjà mangé du McDo en 85. Ben ouais. Ça commence à faire. Puis que François Legault a déjà été inspirant, là, je veux dire... Ça, je pense pas qu'Alain Gravel puisse aller jusque-là. Non, hein? Il est bon, mais tu sais... Je peux pas fouiller aussi profond que ça. Ouais. Dire, quand il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Oh, on a-tu du fun dans le portefeuille? Parlant de profondeur, il y a le portefeuille de Gaétan Barrette qui s'est enrichi d'une prime de départ de 1,2 million de dollars. C'est pas une... 1,2 million. Mais non, mais quand on dit qu'en politique, là, ça implique des sacrifices financiers, on en a une belle preuve. Là. Et ça, c'est vrai. Hein? Faut le dire, si le docteur Barrette n'allait pas en politique, là, c'est pas seulement 8 cliniques privées qu'il posséderait, c'est peut-être 10, 12, ben 15. Oui. Mais là, il est limité à seulement 8 ben petites oui. cliniques privées. Prime. C'était écœurant. Oui. Comment il va le nourrir, ces enfants? Hey. Enfin, on n'ira pas là. Faut qu'il mette du beurre sur son beurre. Oui. Sinon, Fred, on reste concentré, s'il vous plaît. OK. Sinon, il y a le Dr. Porter qui a donné son appui à son bon ami Philippe Couillard. Oui. En direct de sa prison de Panama. Oui. Hein? Hey, Fred, c'est quand la dernière fois qu'un présumé criminel a donné son appui à un candidat dans une élection? Oh, il me semble que les frères Dubois avaient appuyé des créditistes en 74, là. Mais il faudrait vérifier. Mais tiens, il met ça le crédit. Il faisait du Sherlock King. C'est une blague pour les 60 ans plus. Hein, ouais. Vous vouliez l'affaire, Fred, et je trouve ça honorable, honnêtement. Oui. Ben... Mais je l'ai pas ri, on l'avait fait, je savais pas de quoi vous parliez. Et j'ai un minimum de culture, quand même. Là. Non, ça sera à vérifier, okay. Quand même. Hein. Hey, parlant de vérification, paraît que Québécois a une compagnie enregistrée à la Barbade. C'est quoi le problème? Ben, c'est parce que c'est un paradis fiscal. Faut. Est-ce que c'est légal? Ben, comme Jersey puis Philippe Couillard, oui, c'est légal. C'est légal! Non, mais je sais, mais c'est quand même... C'est légal! Ben, oui. Bien, calmez-vous, vous sonnez comme un fiscaliste. Ah, ça, c'est chien, ça. Par je suis allé trop loin. Oui. Je m'excuse. Je vous ai traité de beaucoup de choses, mais ça, là, j'avoue que. Non, mais cette campagne doit finir, là. Oh, oui. On est tous cette année, oui. On va trop loin. Moi, j'ai très, très. Enfin, rions un peu. Parlons de la CAQ. Ça paraît que vous n'êtes pas caquiste. Ouais, non, enfin. Il y a François Legault qui nous a annoncé ce matin qu'il avait formé son équipe de transition au cas où il prendrait le pouvoir lundi. Ben voyons donc. Hein? C'est une équipe de psychologues qui vont aider François à revenir sur Terre après les élections. Ah ouais, hein? Oh là là. Sinon, dans un registre plus joyeux, là, quand même, il y a Denis Arcand qui sort un nouveau film. Vous êtes content? Ben ça veut dire que la crise du cinéma québécois est finie. Oui, ben pas de blague, là. Selon Denis, il n'y en a jamais eu de crise du cinéma. Non, c'est parce qu'en fait, le Québec avait perdu ses 4 meilleurs cinéastes et que lui, ben, il n'avait pas fait de film depuis un bout. Ah! Non, mais c'est seulement pour ça. C'était juste ça. Oui, oui. Ben, alors, si je serais pas allé voir des films ennuyants pour les encourager. Ben non, je sais bien. Mais avant encore, moi, 12 piastres que j'ai dépensées pour aller voir Gabriel. Ah. Je m'en veux encore avoir su. Sinon, quoi d'autre? Ben, une autre bonne nouvelle, il y a le pilote Michael Schumacher qui a enfin démontré des signes de vie, hein, lui qui est dans le coma depuis un peu plus de 3 mois. Ça, c'est un beau message d'espoir pour tous ceux qui sont dans le coma et qui nous écoutent. Oui, hein? Oui. Mais non, mais... Et paraît qu'au Bloc québécois, c'est le party. Ah ouais, hein? Tout est possible. Ah ouais. Ils ont sorti le ginger ale. Ah ouais, hein? Enfin, heureusement, nos invités ce soir ne sont pas dans le coma. Oh non, monsieur. Oh non. On reçoit tout d'abord le candidat péquiste dans Rosemont, Jean-François Lisée. On est très heureux de le savoir. Très, très heureux. Hey, c'est la troisième fois qu'il vient à l'émission. Hein? Oui. Ça, c'est le gars qui a écrit le livre Le Naufrageur. Oui, et ça, c'est un livre sur Robert Bourassa, pour ceux qui... Ou sur l'actuelle campagne du PQ. Là. Non, je pense que c'est sur Robert Bourassa. Les deux marches. Je pense, ouais. On reçoit également le député sortant de Mont-Royal, M. Pierre Arcan. Oui. Très heureux. Deuxième fois à l'émission. Très heureux. Très heureux. Ouais. Ça, c'est l'ancien ministre libéral de la francophonie. Là. All right! Ouais. Let's French! On va avoir un masse de temps pour parler anglais ce show-là parce que la soirée est encore jeune! Olivier Niquet! Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/ la soirée où ils pourront voir un vox pop de l'impayable Guy Nantel oui. avec des gens qui pensent que Jean Charest est le chef de l'opposition. Ça a l'air un peu stagé, mais en même temps, quand on regarde les sondages, je me dis qu'il y a des bonnes chances que ça soit vrai. Ah là là. On passe au courrier des auditeurs. Mais d'abord, Yann Parsons aimerait savoir quand aurons-nous un joueur de hockey comme invité à l'émission. Ah. Ben, on aimerait bien ça, mais Canadien nous tient un peu rigueur de notre passé aux pornographes. Quand même, on vous promet qu'on va essayer d'avoir Thomas Vanek avant les séries. Oui, monsieur. Jean-Martin Gagnon maintenant demande, allez-vous recevoir Thomas Vanek pour souligner le début des séries? Hey, je viens de répondre à ça, là. Soyez attentifs, OK? Enfin, Olivier Rahal demande « J'ai perdu mon carton de rappel. Est-ce que je peux quand même aller voter? » Ben, dites-nous pour qui vous allez voter dans un courriel puis selon votre choix, ben, on va vous donner la marche à suivre avec plaisir. Ah, ben merci beaucoup, Olivier. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Bonsoir, Jean-Philippe. Hey, mon Dieu, vous avez donc une grosse voix. Ouais, hein? On appelle ça une voix masculine. Eh ben, comment ça donc? Ben, je sais pas. Ça me tentait d'essayer. Ça fait quand même presque 2 ans qu'on est en onde. Ouais. Je me disais, comme créateur, on a toujours envie d'essayer d'autres choses, de sortir de sa zone de confort. Mais vous alors, avez raison. Hein. Vous savez que moi, ouais. j'ai déjà essayé d'être gay. Boy, grosse nouvelle, hein? Grosse nouvelle, ben oui, mais ce que je voulais. Non, mais c'était pas super. J'étais tanné de faire tout le temps le ménage. Ben, j'imagine, ça doit être l'enfer, hein? Ah. Tout le temps être sorti, aller au théâtre, aller à l'opéra. Ah oui, à un moment donné, là, ça devient routinier. Vivement une belle joute de Le Canadien au stade, de Jean-Philippe. Bel essai, ma belle. Vous nous parlez de quoi ce soir, Jean-Sébastien? Un instant, Jean-Philippe. Tout d'abord, bravo pour votre seule et unique nomination au Galet des Oliviers. Ah, merci. Ouais, on est très heureux. Ouais, quand même. Mais... Oh là, non, bravo, non, non. Bravo. Non, c'est pas... On n'est pas si content. Hein. C'est un peu bof. Quand même, soyez pas si humble, Jean-Philippe. Mais c'est parce que c'est rendu un peu n'importe quoi, le Galet des Oliviers. Avez-vous vu les autres nommés dans notre catégorie? Ouais, si vous parlez probablement de Marteau. Là. Ce Marteau, c'est le gars qui lance des patates avec ses foufounes à Québec. Non. Je parle des bronzés font de la radio. Hey, quand t'es rendu que tu nommes une émission de radio communautaire, ah ouais. c'est-tu niaiseux, ça? Ah ouais. Jean-Philippe, vous êtes une inspiration pour moi. Honnêtement, ça me fait honte de vous avoir inspiré cette affaire-là. Hein, mais bonne chance quand même, Jean-Sébastien. Hein? Ben, vous êtes bien fin, Jean-Philippe. Vous savez que j'ai gagné un Gémeaux, hein? Ah, vous avez gagné un Gémeaux, Fred? Ouais. Ah, on n'a pas besoin comme de trophées. Des Olivier, je regarde ça de haut. OK. Ça existait, les Gémeaux, dans ce temps-là? OK. Ben, les créditistes, hein? OK, allez-y. Allez-y, Jean-Sébastien. Non, ben vous le savez, hein, évidemment, nous sommes à quelques jours des élections. Ouais. Et j'ai eu envie de vous présenter un débat des chefs, un dernier, un ultime débat des chefs, mais avec des petits partis qui n'ont aucune chance de gagner, Jean-Philippe. Encore Françoise David, ça fait beaucoup de fois cette semaine quand même, là. Non. Je vous parle des gens du Parti conservateur du Québec, du Parti des sans-partis, ainsi que des gens du Parti nul, Jean-Philippe, que je reçois dans quelques minutes. Ah ben enfin, on fait notre travail de service public. Ah, ben c'est pas pour rien, c'est les trophées, les codes d'écoute et tout, mon bon Jean-Philippe. Ah, ben je vous remercie beaucoup. À tout de suite. Bisous. Fred, notre premier invité. Candidat péquiste dans Rosemont, les sondages le mettent plutôt candidat péquiste dans l'opposition. Oh. Accueillons le sérénissime, c'est Jean-François Lisée! Monsieur Lisée! Jean-Philippe. Soyez-vous, je vous en prie. Merci. Troisième fois à l'émission. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Vous manquez d'invités ou quoi? Ben non, mais on vous invite, vous acceptez. Bah. Ça serait, on serait bien bête de ne pas vous prendre. Surtout à 3 jours du vote. Oui. On est-tu serein? On est inquiet. Ah oui? Comment ça? Oui, je sais que vous m'avez invité parce que les 2 dernières fois, j'ai fait des blagues, puis je vous promets d'en faire. Ben non, je vous promets d'en faire. Je ne m'attends pas de je ça. Je ne dis pas qu'elles vont être drôles, mais je vais essayer. Non, mais... Mais pour commencer, je vais vous dire une chose. Oui. Le Québec est un endroit où il y a plein de problèmes. Je vous apprends rien. Ben, mais quand moi j'étais correspondant aux États-Unis, le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de justice sociale, le moins d'inégalités sociales, mm-hmm. le plus de droits pour les travailleurs. C'est l'endroit où les droits des femmes ont fait le plus de progrès, avec l'équité salariale, les congés parentaux les plus généreux, le seul endroit où on a des garderies à bas coût pour tout le monde. Fait que peu importe pour qui on vote, on a ça, c'est ça que vous dites? On a ça. Okay. On a ça. Mais il y a deux raisons pour ça. Ouais. La première, c'est le Parti québécois. Okay. C'est le Parti québécois qui, à chaque fois, a proposé ces choses-là. Mon ami Pierre Arcan, qui va venir tout à l'heure, Parti libéral, ouais. les a pas démantelés, mais c'est nous qui les avons proposés. Et la deuxième raison, ouais. c'est Pierre Bourgault. Et mon Dieu! Pourquoi Pierre Bourgault? Ben, il y a plein de gens qui savent pas c'est qui. Alors, Pierre Bourgault, quand le Parti québécois a été créé, ouais. il était chef d'un petit parti qui ouais. faisait 9-10 % dans les sondages, un parti socialiste et indépendantiste. Et Pierre Bourgault s'est dit, c'est vrai que René Lévesque est trop à droite pour moi, mais si on ne va pas tous avec le Parti québécois, ils ne prendront pas le pouvoir. Ah, c'est comme une réponse à toutes les questions que j'allais vous poser. Exactement. C'est assez et, bien fait. Et, les blagues s'en viennent dessus. Et donc le, Pierre Bourgault, il dirigeait le Québec oui. solidaire de l'époque. Ben oui. Et s'il n'avait pas décidé de s'unir avec le Parti québécois n'aurait jamais pris le pouvoir. C'est un message à Québec solidaire que vous aujourd'hui, faites? Aujourd'hui, exactement. Ah, mon Dieu. Lundi, là, ce qui va ouais. se passer, Jean-Philippe, ouais. c'est qu'on va être à un ou deux comtés. Ah, de mon Dieu, voir très, si c'est très, Philippe Couillard ou positif. Pauline Marois ouais. qui va former le gouvernement. On est à un ou deux comtés? Oui, mais avez-vous vu les sondages? Oui, je les ai vus. Okay. Puis j'ai vu les prévisions de comtés. Oui. Et nous savons que... Vous le savez. Nous savons avec certitude, parce que c'est ça qui s'est passé les en sondages, 2012. On le sait, hein? Ah ouais. Les sondages, c'est mais très certitude. On a les sondages de 2012. Okay. Ah. L'élection de 2012, là, au frais de voter. Oui, c'est ça. Si la moitié des électeurs ouais. de Québec solidaire avaient voté PQ, ouais. on aurait eu 11 comtés de plus, on serait majoritaire, puis Fred n'aurait pas eu à annuler son vote cette fois-ci. Vous savez une autre chose, hein? S'il n'y avait pas de Parti libéral, vous seriez aussi majoritaire. La droite fait son travail. Ouais. La droite fait son travail. Attendez, mais ce que peu, je dis aujourd'hui, là, la c'est que... Oui? Vous avez vu le devoir cette semaine? Pareil, vous êtes plus à droite que le PLQ. Oui, alors c'est ce que Ralph Nader disait quand il disait « Voter pour les démocrates ou voter pour George Bush, c'est la même chose. » Là, une fois que George Bush a envahi deux pays, il s'est dit, ben finalement, c'est peut-être pas exactement la même chose. Alors, ce que je dis aujourd'hui, puis ensuite, on fera des blagues. On va t'envahir longtemps. Ben, c'est avec... On n'enverra pas peut-être l'Ontario, mais une fois que tous les employés dans toutes les usines vont parler anglais, comme le dit Couillard, au cas où il y a quelqu'un qui posera une question en anglais, on n'aura pas besoin de les envahir. On va recevoir l'ancien ministre de la francophonie, on ne parlera pas de ça tout de suite. C'est ça. Alors, ce que je dis aujourd'hui, là, c'est que le Parti québécois, il a plein de défauts. Ah. Il est imparfait. Ben, il est chicanier. Je sais. Il n'est pas assez à gauche pour bien du monde. Ben oui. Mais c'est quand même le véhicule de progrès social et environnemental le plus fort en Amérique du Nord. Puis l'affaiblir lundi, ouais. c'est donner une passe à la droite pour au moins 4 ans. Les gens rient dans la salle. Ben non. Mais ils sont d'accord avec moi. Ils trouvent que je suis trop dur avec le PQ. Ben non, non, non, mais c'est parce que c'est drôle parce que je lisais cette semaine que vous étiez aussi un peu pessimiste, déprimé. Puis je me dis, mon Dieu, mais Jean-François, il va pas bien. C'est pour ça que je suis venu, c'est drôle. Je le sais, c'est drôle. Ils vont me remonter le moral. Oui. Ben oui, en même temps, j'ai pas de chiffres pour vous aider là-dessus. On a de la bière. Vous parlez de vos cotes d'écoute? Non, là, ça, voulez-vous que je vous dise, ça me surprendrait pas que vous ayez un petit bump à cause de cette émission-là. Hein? Un bump? Ah non, non. Est-ce que ça un bleu ou un bump? Non, non, vous allez... je veux pas... Mais en même temps, c'est pour ça qu'on a invité Pierre Arcan pour être égal. C'est bien. On va aider tout le monde ce soir, vous savez. C'est un poids lourd du parti. C'est un de mes libéraux favoris, Pierre Arcan. Vous savez qu'on faisait de la radio ensemble, c'est cassé dans les années 70. Ben mon Dieu, ça remonte à loin, ça. La nuit, c'est les créditices. La nuit de fin de semaine, les créditices existaient. Pierre mettait les disques et puis moi, je lisais les nouvelles. Ah, vous parliez, hein? Entre minuit et 6 heures du matin. Ah oui? Ah oui? Oui. Avec vous parliez comme ça devant le vide. On avait à peu près vos codes d'écoute, oui. C'est vrai? Oui. Il n'y avait pas de télé à l'époque, donc quand même. OK. Toujours est-il que ça va pas bien pour le PQ, on fera pas semblant. Là. L'arrivée de Pierre-Carl, ça vous a pas aidé, ça? Hein? Parce que si, je veux dire, à l'extérieur, si on regarde les chiffres, depuis l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, ça va moins bien. Écoutez, moi, j'ai senti ça le lendemain. Je faisais du porte-à-porte dans Rosemont. Et il y a une dame qui me dit, Pierre-Carl est arrivé, là? J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au début, on testait c'est un ça, peu, on posait sûr. La question. Il dit, il me coûte 100$ par mois. Comment ça, j'ai non? J'ai dit, comment ça? Il dit, elle dit, j'invente rien, là. Elle dit, son maudit Vidéotron, là, ouais. Ça me coûte... Ben là, j'ai dit, vous avez le service? Il dit, oui, oui, mais ça serait mieux que ça soit gratis. Ah. J'ai dit, votez Québec solidaire. Le câble sera gratuit. C'est de même que vous perdez des votes. Ah, hein? C'est peut-être... J'aurais peut-être pas dû dire ça. Vous n'êtes pas le stratège de l'année, Jean-François Lisée, là. Je vous le dis, là. Ça marche pas, votre affaire. N'empêche, il me semble qu'au début de la campagne, vous vouliez parler d'économie, de job, et puis finalement, vous avez un peu perdu la... Ben, vous avez perdu un peu le... Ben oui, mais regarde, on a créé 15 000, là, ce matin. Parlons d'Yves Desgagnés. Le niveau baisse, on dirait. Est-ce qu'on pourrait arriver à un juste milieu, quand même? On va parler d'Yves Desgagnés rapidement, parce qu'on sait qu'Yves Desgagnés s'est impliqué beaucoup avec Mme Marois pour l'aider pendant ses débats. Entre autres pour les débats. Et évidemment, on n'a pas pu parler à Yves Desgagnés pendant la campagne, mais on est intéressé. Quel est le travail d'Yves Desgagnés avec Mme Marois? J'ai vu qu'il l'avait beaucoup aidé avec ses mains. Et je me demandais... Elle comptait beaucoup avec ses doigts. Hein. OK. Vous pensez que c'est Yves qui lui a montré ça? Qui d'autre? Marcel Marceau, peut-être? Pour les plus jeunes, c'est un mime. Mais je vais vous dire, moi, ce que j'ai vu, c'est quand Yves Desgagnés a fait la formation pour tous les candidats. Oui. Et puis il a dit... Il y a bon, eu une formation? Oui. Au début, tous les nouveaux candidats, et les anciens aussi, parce que des fois, c'est bon d'avoir des rappels. Quand vous êtes derrière la première ministre dans une conférence de presse, d'abord, n'envoyez pas de texto. Ne regardez pas ailleurs, parce que vous avez des caméras. Puis si les gens voient la première ministre, disent tout le monde regarde ailleurs, ça ne doit pas être important ce qu'elle dit. Est-ce que Daniel Breton était en train de dormir pendant la présentation? Et une maladie. Et là, c'est plus important. Ouais. Dit, vous allez avoir le goût de faire oui de la tête. Ah. Arrêtez. Vous avez juste toute l'air d'une bande de canards. Okay? Ah. Faites juste être concentré en la regardant. Bon. Et là, on a fait des pratiques pendant 3-4 jours. Ah ouais. Et peut-être c'est là qu'on a manqué le coup, là, parce qu'on était avec Yves au lieu de faire du porte-à-porte. 3-4 jours, elle n'a pas dit oui. Ça se dit souverainisme, voyons. Voilà. OK. Dernière chose, j'apprenais ce matin qu'on allait avoir des baisses d'impôts. Par Mme Marois. Ben oui. Est-ce que ça a été une surprise pour beaucoup de monde? Dépense pas ça tout de suite. Non. OK? OK? Non. Entre nous, là. En fait, confidentiellement, en fait, là. Je vais poser la vraie question au vrai gouvernement. Oui, okay. M. Arcand s'en vient. M. Arcand s'en vient, d'accord. C'est ça. Ouais, okay. Mais comme ça, est-ce que c'est une surprise pour vous aussi? Ben non, parce que moi, j'avais déjà entendu le ministre des Finances dire ça, mon ami Marceau, qui a dit on va faire le déficit zéro. Oui. Et là, quand il y a des ressources supplémentaires qui vont arriver, on va en mettre une partie en baisse du fardeau fiscal puis une partie en amélioration des services. C'est les journalistes qui n'ont pas fait le job. C'est-à-dire que c'est drôle parce qu'en politique, tant que la première ministre ne l'a pas dit, c'est comme si ça n'existait pas. Ouais. Puis là, tout le monde, waouh, elle vient de dire ça. Okay. Elle a dit, le ministre des Finances l'a dit plusieurs fois. Oui, mais ça compte pas. Ça fait que je trouve que ça entretient le cynisme au sein du Conseil des ministres. Ah, vraiment, là, on est désolé pour tout ce qu'on a fait au cynisme, nous, les journalistes, Jean-François. Vous restez avec nous, de toute façon, on va savoir. Non, mais c'est correct, Jean-Philippe, je te considère pas comme un vrai journaliste. Ah, mon Dieu. Je vais lui laisser le mot de la fin là-dessus, quand même. Ce serait bien. Frappons pas un gars à terre. Non. OK. La campagne électorale est dans son dernier droit, ce qui nous donne le goût d'aller faire un petit tour à l'hippodrome. On écoute. En direct du tour de piste de l'hippodrome du Québec, straight from la Tour of Pise of Québec, c'est Georges Mélenchon qui vous dit bonsoir, hello, welcome et bienvenue à la dernière course de la campagne électorale 2014 de Last Farewell for Pauline, même si elle ne fare pas très bien. Après plus de 30 jours de course, voici les jockeys épuisés malgré les nouvelles montures toujours assoiffées de pouvoir. Earhart, the horses quenched to get elected. Dans le corridor numéro 1, la gagnante du dernier 2B de 2011, Pauline Marois, qui fait son entrée sous son pur-sang, Magic Blanchette, un magnifique poney, assez rapide malgré ses gros sabots. Dans le corridor numéro 2, le jockey du PLQ de Joker from Saudi Arabia, Philippe Couillard, qui arrive sur une belle bête des Antilles nommée Offshore Dream, un cheval venu de très loin. Dans le corridor numéro 3 pour l'écurie du QS, The Lonely in Quebec, Françoise David sur une monture unique, Speedy Manon, un cheval à moustache. Et dans le corridor numéro 4, The Last But Not Least, le jockey de la CAQ, François Legault, qui arrive sur Crazy Sylvie, une jeune licorne boostée au sondage. Attention, c'est un départ et c'est Legault. Pauline part en peur avec son projet de chat, elle est vite rattrapée par Couillard, qui fait fuir les parieurs avec avec le vieux coup du référendum. Françoise David garoche des roches équitables, mais pogne personne. Il semble qu'elle ait un problème de visu, sûrement parce qu'elle ne regarde que du côté gauche. Oh, watch out, François Legault galope dans le vide. Il ne porte plus la tête, ça doit être à cause des sondages qui lui donnent l'illusion de rejoindre le troupeau de tête, mais en réalité, il perd du terrain. He's losing land. Oh là là, coup de théâtre. Pauline change de cheval. La voici qui saute sur The Golden Miles PKP. Un jeune poulain qui aime ruer. D'ailleurs, il a mis beaucoup de monde à la rue. Oh, la foule qui commence à quitter les gradins. Elvis has left the building. Le spectacle n'est pas très beau. The PLQ is leading the polls. Heureusement, la course se termine quand même, but the curse is not over. Voici les jockeys qui franchissent la ligne sur leurs chevaux pendant que les hommes dans les gradins se grattent la tête. Ah là là! Que de plaisir. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe. Alors, nous débutons effectivement ce débat des petits partis. Oui. Et on commence, Jean-Philippe, avec un parti un peu inusité qui s'appelle le Parti Nul. C'est un parti qui présente 24 candidats, dont le chef est M. Renaud Blais. Leur slogan, aucune de ses réponses. Et je me trouve actuellement avec M. Mathieu Marcil, qui est candidat dans Outremont. M. Marcil, bonjour. Bonjour. Bon, alors expliquez-moi clairement c'est quoi exactement le Parti Nul, c'est quoi sa mission, parce que j'ai lu que vous vouliez clairement perdre vos élections. Je veux dire, pourquoi vous avez pas décidé de tout simplement vous présenter au PQ à la place? Ce qu'on cherche à faire, c'est permettre aux gens qui sont désireux d'annuler leur vote, une manière de le faire qui puisse être comptabilisé, parce que dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Donc, c'est impossible de dire au plus moins pire des partis, vous avez encore des croûtes à manger avant d'espérer me représenter. Okay. Ben, évidemment, c'est pas bête. On est surtout cette année peut-être plusieurs à avoir envie d'annuler son vote. Je veux dire, par exemple, moi, d'Angouin, j'ai le choix entre une candidate auto du PLQ, de Françoise David de Québec solidaire et de Louise Mailloux, la madame qui voudrait tuer ma mère parce qu'elle me fait enlever un bout de la bisoune à ma naissance. On s'entend-tu qu'on la veut, la case nulle, dans ce temps-là? Ben oui, on la veut beaucoup. Bon, exactement. Alors, en terminant, les gens ne le savent peut-être pas, monsieur, mais le célèbre Anarcho-Panda, vedette du conflit étudiant, a déjà été candidat dans votre formation. Dites-moi, je suis tout le temps curieux de ces choses-là. C'est comme Youpi, puis tout ça. Là. Je suis toujours curieux de savoir qui se cache dans cette mascotte-là. J'ai le même questionnement là, pour le PLQ. J'ai jamais su c'est qui avait dans leur grosse mascotte Gaétan. Ça fait tout le temps. Ça! Ben, essentiellement, Anarcho-Panda, c'est un professeur de philosophie, si je ne m'abuse. C'est bien que vous souligniez le fait qu'il s'est présenté parce qu'il n'est plus candidat. Il est maintenant agent officiel de son ancien candidat, de son ancien agent officiel, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que ça risquait de biaiser le vote, que les gens risquaient de voter pour la mascotte au lieu de voter pour annuler leur vote. On vote souvent pour des mascottes de toute façon. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et évidemment, on vous souhaite de perdre vos élections. Merci beaucoup. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui trouve décevant qu'André Pratt ne soit pas en nomination au Canada des Oliviers. Ben oui, on a été surpris de ça. Ouais. Fred Savard! Oui, permettez-moi de ne pas parler de cette putride campagne électorale pour ma chronique. Là, vraiment, de mémoire d'homme, c'est la pire auquel j'ai assisté depuis que je peux voter, c'est-à-dire depuis 1989. C'était l'année où le mur de Berlin chutait. Paul Pichet, on l'appelait comme ça, chantait les châteaux de sable. J'avais 18 ans et j'étais toujours puceau. Ce qui m'amène à vous parler de Justin Trudeau. Ah. Car nous apprenions la semaine dernière qu'il allait publier sa biographie. La nouvelle a fait peu de bruit ici, mais a eu l'effet d'un coup de fouet sur moi. Je me suis dit qu'avec mon avenir professionnel si incertain, peut-être pourrais-je moi aussi publier ma biographie et laisser un leg à la collectivité qui a su toujours si bien apprécier mon immense talent et qui n'a de cesse de me le répéter chaque ouais. fois que je me déplace dans les endroits publics. Surtout, j'ai énormément de points communs avec Justin. Hein. J'ai le même âge que lui. C'est vrai? Oui, et je suis beau bonhomme. Et ouais. j'ai aussi un tatou sur le chest. Et comme lui, je maîtrise mal ma langue seconde. Bon, moi, c'est l'anglais, lui, c'est le français, mais c'est tout comme. Et nous partageons aussi quelques différences, il faut le dire. Je n'ai jamais tabassé un autochtone. Je n'ai pas de frère dont le parrain est un dictateur cubain qui pêche l'oursin à main nue au fond de la baie des cochons. Et ma sœur ne fait pas d'escalade. Mais j'aimerais pousser l'exercice et comparer plus en détail mon parcours et celui de Justin pour voir si ma vie mériterait aussi d'être couchée sur papier. C'est un pensez-y bien avec la multitude d'ouvrages qui paraissent chaque jour. C'est un véritable carnage pour nos amis les arbres. Et comme le disait si bien Harmonium, on a mis un livre au monde, il faudrait peut-être l'écouter. Donc, selon Wikipédia, Justin naquit le 25 décembre 1971, alors que je vis le jour le 8 juillet de la même année. Il fut donc conçu en mars 70, alors que je fus conçu dans un chalet des Laurentides en pleine crise d'octobre. C'est véridique. D'ailleurs, mes parents furent extrêmement étonnés de voir des militaires armés en revenant de la Sapinière, des militaires envoyés par le père de Justin. Ici, j'avoue, nous ne partageons pas le même héritage politique. Après une enfance sans histoire, le destin nous rapprochera au début de l'adolescence, puisque nous militâmes dans le même parti fédéral, alors que je fis du pointage pour un jeune député libéral de l'époque, un certain Jean Lapierre. Ah, tout ça est véridique. J'avoue que j'y allais pas tant par conviction que pour les beignes gratuits qu'on nous offrait. Des beignes un peu à l'image de M. Lapierre, une croûte sucrée à l'extérieur et du vide au milieu. Oh là là là là. Un peu plus tard, ma route croisa de nouveau celle de Justin, cette fois-ci au bal de finissant du collège Jean de Brébeuf, mais contrairement à lui, je n'étais pas brébovin. J'accompagnais seulement une amie qui fréquentait l'auguste institution. C'est la même année que Justin... oui, c'est la même année que Justin, et nous n'avions toujours pas 18 ans. Ce fut un après-bal assez tranquille. Mais, comme à l'époque où je bénévolais pour les libéraux, il y avait aussi beaucoup de beignes à Brébeuf. Justin obtint ensuite un baccalauréat en littérature anglaise et un baccalauréat en éducation. J'avoue que c'est deux bacs de plus que moi. Mais en même temps, il n'a pas la belle originalité et la passion de l'excellence que nous avons, nous, les autodidactes. En 94, il entreprend avec quelques amis un voyage qui le mènera à travers la France, l'Espagne, le Maroc, le Sahara, le Bénin, la Russie, la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. J'ai moi aussi fait la même chose. Je suis parti dans trois pays, la France, le Manitoba et la Saskatchewan. Il épouse en 2005 Sophie Grégoire qui lui donnera trois enfants, James, Hello Grace et Hadrian. Là s'arrêtent les comparaisons puisque pour mon plus grand plaisir, je n'ai pas épousé Sophie Grégoire et mon fils ne porte pas un prénom anglophone. C'est à partir d'ici que nos chemins se séparent par contre puisqu'en 2006, il donnera son appui à Stéphane Dion lors de la course à la chefferie du PLC, chose que je n'aurais jamais fait, même si le virus libéral m'avait rendu fou. Il deviendra chef du PLC en 2012, chose que je n'aurais pu faire puisque j'étais déjà à l'emploi de Radio-Canada, ce qui m'empêchait de militer dans un autre parti que le PQ, comme on le sait. Vous conviendrez que c'est une belle feuille de route plutôt mince pour quelqu'un qui s'apprête à publier sa vie. On s'entend qu'il n'y aura qu'un tome, hein? Mais ça me donne le goût de publier la mienne également. Et comme Justin, je la publierai peut-être sur du papier zigzag, ce qui respecterait sa politique sur la marijuana et qui résumerait surtout sa pensée politique. Et je peux vous dire tout de suite que comme Justin, ma biographie aura un titre bilingue, Fred Savard, A Life to Remember, une vie à remembrer. Oh. C'est rare que c'est pas des rires forcés. C'est vrai. Hein? C'est extraordinaire. On va aller reparler à Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. C'est un génie, Fred Savard. Honnêtement, je m'en reviens pas encore. Oui, évidemment, on poursuit ce grand débat des petits partis. Oui. Je me trouve maintenant avec le révolutionnaire Franck Malenfant, qui est chef du parti des 100 partis. Ça, c'est un parti qui veut révolutionner le système politique de façon un peu radicale, on peut le dire. En fait, ils veulent donner le pouvoir au peuple. Monsieur Malenfant, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, très bien, merci. Alors, on va se le dire franchement, votre parti a un peu moins le vent dans les voiles qu'en 2012. Hein. À cette époque, vous vous appeliez la Coalition pour une constituante. Vous aviez présenté 29 candidats. En 2014, vous avez seulement 5 candidats. Mais rappelons-nous que récemment, vous aviez choisi Christian Bégin comme porte-parole. J'ai envie de dire tant pis pour vous. Hein. C'est ça, à la fin, à la dernière élection, en fait, c'est ça, on n'a pas eu assez de votes. Finalement, on n'avait pas assez d'argent pour payer toute la boisson à Christian Bégin. Mais autrement, nous, on a continué. Nos idées sont meilleures, mais malheureusement, avec un porte-parole moins connu comme moi, à ce moment-là, c'est à rebâtir un petit peu. Exactement. Mais parlez-moi maintenant de la mission exacte de votre parti. Évidemment, je demeure un peu dubitatif. Dans la publication, j'ai lu que votre slogan, c'est « Divisons le vote ». Je veux dire, c'est pas déjà le slogan de Françoise David, ça? C'est le slogan de bien des partis qui essaient de promouvoir des nouvelles idées. C'est qu'en fait, diviser le vote, c'est le droit de la population de voter pour leurs convictions plutôt que de sauver les meubles, de reconstruire la maison. Et puis actuellement, le Québec souffre de constipation. On est pris avec les mêmes partis qu'on ne réussit pas à éliminer et qui amènent toujours les mêmes idées depuis 44 ans. Et donc, à ce moment-là, il faut voter par conviction pour bâtir un Québec. Et donc, votre assemblée serait composée de gens choisis au hasard. A priori, on peut se dire, ben voyons donc, c'est donc ben niaiseux, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, comme Jean-Philippe me disait ce matin dans le bureau, bon, évidemment, il me disait, dans Rosemont, avec un tirage, on tomberait pas sur pire de toute façon qu'un Jean-François Lisée. En fait, c'était entre nous deux, ça, Jean-Sébastien. Oups! En fait, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. La chose, c'est qu'en mettant au pouvoir tu sais, on veut éliminer ça, le minoritaire, majoritaire. Je donne un bon truc. De même, on élimine les partis, puis on a 125 députés qui représentent 125 circonscriptions. C'est réglé. Puis au service du peuple, ils n'ont pas besoin d'avoir un gros nom. Il faut simplement qu'ils fassent la job. Et ça, le mieux, c'est de prendre des gens qui ne cherchent pas le pouvoir, parce que les gens qui cherchent le pouvoir, c'est pas les meilleurs pour gouverner. Monsieur Malenfant, je vous souhaite un gouvernement majoritaire fort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Sébastien. Merci, à tout de suite. Fred, notre deuxième invité. Député de la circonscription de Mont-Royal depuis 2007 sous la bannière libérale, il revient nous voir pour une deuxième fois à l'émission. Accueillons Monsieur Pierre Arcand. Monsieur Arcand, quel bonheur de vous voir. Ben oui. Je voulais juste immédiatement commencer l'entrevue, m'excuser, évidemment, si on a reçu Jean-François Lisée en premier, parce que c'est le gouvernement sortant. Oui, oui. Si on vous avait reçu la semaine prochaine, évidemment, vous auriez commencé l'émission. Hein? Je comprends ça. Juste vous dire, je suis franchement désolé. Vous avez un bon sens politique. Mais non, je le sais bien, je le sais bien. Alors, mais sachez qu'on va garder le plus de temps avec vous. En même temps, il faut savoir être ami avec le bon monde. Donc, non, mais quand même. Mais... pour vrai, Jean-François, vous le savez. Rester, ah correct? Oui. Oh, y a pas non, problème. Ça, y a pas de problème. J'ai l'air de vous déranger. Là, non, il n'y a pas de problème. Okay. Habituez-vous à juste rester assis. Non, d'accord. Et parler quand on vous pose des questions. Hey, mais le retour au pouvoir du PLQ, là, c'est quand même 18 mois de purgatoire, c'est quand même moins pire que vos cousins fédéraux, ça? Oui, mais écoutez, on n'est pas l'élection n'a pas encore eu lieu. Non, on va, mais là, on va, pas ça, on va véritablement voir ce qui va se passer lundi. Mais quand même, hein? On ne fera pas semblant, là. Non. Puis c'est sûr que c'est malaisant parce que... Disons que les choses semblent aller bien. En tout cas, moi, de mon côté, ça va bien. Ah, est-ce que ça a déjà été serré, Mont-Royal? disons qu'ils ont l'air à apprécier leurs députés. Quel qu'il soit. Oui, non, tout à fait. Mais vous avez Rosemont, vous quand même, monsieur Lisée. Oui. Ben voyons donc. Vous êtes en train de gagner un gouvernement majoritaire, ce qui est quand même fascinant parce qu'en un mois de campagne, je dirais même trois semaines, ça a viré de bout en bout. Et ça, évidemment, c'est grâce à votre stratégie référendaire. ou en fait, en reprenant la stratégie référendaire du PQ, vous avez beaucoup parlé de référendum au Parti libéral. J'ai trouvé. Oui, bien écoutez, on a, je pense que les premiers, évidemment, qui ont parlé du pays de façon assez intensive, c'est lorsqu'on a présenté Pierre-Carl Péladeau, ben oui! Évidemment. Alors, c'est ça qui s'est produit. Puis on dit toujours que si on avait défait le gouvernement, on n'aurait probablement pas gagné l'élection. Mais quand c'est le gouvernement qui déclenche l'élection, apparemment, la tradition veut qu'on ait un peu plus de chance. Mais en même temps, je pense que... Je réécoutais une entrevue de 2012 quand les élections ont été déclenchées par M. Charest, en fait. Et M. Charest a eu la rapidité de dire « C'est odieux que Mme Marois nous envoie en élection en 2012. C'est odieux ce que Mme Marois fait. » Et je trouvais ça très, très drôle parce que je me disais « Mon Dieu... on aurait pu utiliser la même tactique avec le gouvernement de Mme Marois, mais elle ne l'a pas fait du tout. Hein. Elle a vraiment décidé d'elle-même partir en élection. Est-ce que ça a été une première erreur? Je pose la question à M. Lisée. Là. Ah bon, OK. OK. Vous avez... Je trouvais ça drôle que vous demandiez à Pierre, mais je sais que Pierre aurait pu répondre. La vraie raison, c'est que donc, les libéraux et les caquistes avaient promis de nous renverser. Donc, on avait le choix entre être victime ouais. ou être déterminé dans notre destin. Ah. Puis on s'est dit, nous, jouer aux victimes, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons dire... Nous allons aux Québécois, ouais. nous vous demandons bon. De nous faire confiance. Bon, ça n'a pas marché cette fois-là, c'est pas grave. Ouais. Mais vous le saurez pour la prochaine fois. Des fois, ça ne marche pas les deux, trois premières fois, au moins c'est original. C'est original. Puis ils auraient pu faire ça au mois d'avril, il aurait fait pas mal moins froid. En plus. Ça, c'est odieux aussi, nous faire ça au mois de mars avec la température qu'on a eue. Franchement, il y a des journalistes qui ont perdu des orteils. Hein. C'est vrai? Avait fait ça au moins au mois d'août. Je le sais, puis ça, j'ai trouvé ça correct. Ça. Ouais. Franchement, on a tellement eu du plaisir à prendre de l'alcool sur les terrasses au mois d'août, alors que là, on était poignés, franchement. Moi, je suis content que le biais pro-libéral n'apparaisse pas du tout. Continue, ça va non, bien. Non, non. J'ai pas besoin de personne. vous avez le vent dans les voiles et vous avez surtout beaucoup d'appui. Je disais que André Pratt, qui nous a surpris avec un éditorial pro-libéral, qui a fait beaucoup jaser. Parce qu'il est surprenant. Je vais vous expliquer une chose. Parce que j'ai travaillé avec Jean-François, mais c'est vrai que j'ai été le patron d'André Pratt. Le patron d'Alain Gravel. Et d'à peu près la moitié des journalistes à Radio-Canada. Tout s'explique. Alors, vous savez, on est... Est-ce que vous avez passé un petit appel à Alain Gravel pour lui dire... Ce serait peut-être le temps de sortir de quoi sur le PQ, là. Non, mais il a fait son travail égal à égal. Il en a sorti sur les libéraux. Ouais. Là, il en sort sur le PQ. Maudine de bine, pareil. Hein? N'empêche que vous n'avez pas juste l'appui des sondages et l'appui d'André Pratt. Vous avez aussi l'appui de M. Arthur Porter. Oui. Ouais, mais le PQ a l'appui de Rambo, hein. Ouais. Ah ben oui, mais vous savez qu'il y a des beaux porte-clés, Rambo, hein. Ouais. Ouais. Mais il est pas soupçonné de rien, Rambo, quand même. À part d'être un petit peu rough, là. Ouais, mais, bon, c'est qui ne l'est pas un peu. C'est ça. C'est bon. Mais est-ce que vous avez des contacts, vous, avec M. Porter? Ah, pas du tout, non? pas du tout. Moi, j'ai le docteur Barrette qui demeure pas loin de chez moi. C'est vrai? Oui, moi, j'ai le docteur Barrette. Le docteur Porter, je le connais pas, mais le docteur Barrette demeure pas loin de chez moi. Ça alors, suffit amplement, le docteur Barrette. Mais... et le docteur Barrette, là, le docteur Barrette... Mon Dieu, qu'il y a des gens qui rient fort dans cette salle-là. Ouais. On va, c'est pas quelqu'un qui laisse les gens indifférents. C'est le moins qu'on puisse dire. Clair. Mais avec un gouvernement libéral, on va s'en occuper. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça restera pas longtemps. Si c'est un, il paraît que c'est une option nationaliste en plus. Pas fort. Non, mais le docteur Barrette, on va en parler parce que évidemment, ça a fait parler 1,2 million en prime de départ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, 1,2 million en prime de départ? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça au Parti libéral? Ou... Parce que c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas une question d'être à l'aise, c'était dans son contrat. Je veux bien, mais en même temps, 1,2 million. C'est peut-être qu'il y a des choses à réformer au niveau de la Fédération des médecins spécialistes lorsqu'ils font des contrats. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il l'a pas volé. Non, ben oui, non. C'est encore une fois, c'est légal. C'est comme le compte là, aux îles Jersey. C'est légal. C'est juste bizarre. Mais il y en a un autre, par exemple, qui vous a pas donné un appui, puis ça, on a été surpris, Marc Bellemare. Oui. Un ancien de vos collègues qui a souhaité qu'on vote prudent et qu'on vote péquiste. C'est drôle, ça? Oui. Vous n'avez pas des bonnes relations avec Marc Bellemare, j'imagine? Ben, je pense que ça date avant que j'arrive. C'était en 2003. Ouais. Je pense qu'il avait été frustré parce que lui, il voulait changer le régime d'assurance automobile, je pense, au Québec. Oui, tout à fait. Et puis là, ben, évidemment, il était frustré parce qu'il voulait revenir à la période où les avocats faisaient plus d'argent à ce moment-là avec certains régimes. Et puis nous, on n'a pas voulu, en 2003, revenir avec ça. Ah non, alors, hein. Il avait été frustré de ça et puis... Ben, il a réussi à avoir la tête de Jean Charest 10 ans plus tard quand même. Oui, oui, ça a été assez intense durant cette période-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Parlant de quelque chose d'assez intense, j'ai eu presque une attaque cette semaine en lisant justement le papier du Devoir qui nous annonçait que le PLQ était plus à gauche que le PQ. Est-ce que ça vous a surpris, vous, de vous savoir que vous étiez à gauche? Ben, c'est pas un défaut, n'est-ce pas? Ben vous savez que c'est pas un défaut. Socialement, on est plus près de la gauche et puis fiscalement, on est plus près dans du centre droit, disons. Vous savez, Pierre Carl Péladeau est certainement pas quelqu'un de gauche et M. Lisée, ici à côté, est content de voir qu'on rassemble tout le monde. Ben oui, tout à fait. Nous aussi, on va rassembler. Mais faites donc un gros parti, arrêtez de vous chicaner. Mais n'empêche que si vous enlever le côté gauchiste au PQ, il ne lui reste plus grand-chose. Vous comprenez? C'est un peu méchant, mais ils ont quand même une option qui aura toujours ses adeptes. Ça dépend des fois. Hein? Ça dépend des élections. C'est ça. N'empêche que ça a baissé pas rien qu'un peu. Ça. Je regardais qu'au mois de décembre, il y avait presque 42% d'appui pour la souveraineté. Ils sont où les 12% de moins? C'est pas censé être une émission drôle, ça, ce soir? Mais je vous le dis, on s'amuse avec les bonnes personnes. En ce moment, c'est M. Arcand. On s'est amusé 18 mois, Jean-François. C'est ça, notre tour s'en vient. Ils ont juste eu 9 ans. Juste 9 ans. Oui, c'est sûr. Bon. Ils avaient fait tout le ménage, tout comme fou, jusque dans les coins. Là, on va parler de la langue. Là, parce que vous étiez un ancien ministre de la francophonie. Oui. Je sais que Philippe Couillard a déclaré, peut-être un peu maladroitement, que c'est important pour les ouvriers sur les lignes de montage de parler les deux langues s'il y a des investisseurs étrangers qui viennent leur parler. Ce qui n'est pas fou, mais ce qui est un peu quand même maladroit. Un ancien ministre de la francophonie, est-ce qu'il y a un peu tilté, comme on dit en français? C'est-à-dire... je pense que ce que M. Couillard a voulu dire, c'est qu'il fallait qu'au Québec, on parle autant que possible, le plus de langues possible, comme ça se fait de façon générale en Europe. Je pense que c'était le sens de ses propos. Sur les lignes de montage. Jean-François, je vais vous expliquer une chose. Là. Nous, notre stratégie à l'Assemblée nationale... C'est... Contre lui, c'est très simple. On sait qu'il aime parler, alors on y pose jamais de questions à la période de questions, ou à peu près pas. Je m'en plains amèrement. Il s'en plaint beaucoup, d'ailleurs. Il s'en plaint beaucoup. Ben, vous poserez de longues questions, Jean-François. Lors de votre... Mais est-ce qu'il était un bon journaliste, présentateur à la radio, Jean-François? Il était très à gauche. Hein? Je pense que c'était à l'époque où il y avait, je pense, une petite tendance un peu marxiste-léniniste à ce moment-là. Ah oui, hein? Mais par la suite, il est revenu un peu. Mais je t'avais averti, Pierre, que si tu disais ça qui était vrai, je dirais que tu avais la coupe afro à l'époque. Ce qui est moins un crime, quand même. Tu l'as pas vu, Jean-Philippe. Non, mais... C'était criminel. Il n'y a jamais eu de goulag de la coupe de cheveux. Là, quand même. Merci beaucoup, M. Arcan. Ben, c'est un plaisir. Vous restez avec nous, quand même. Certainement. Parfait. Certainement. C'est la chronique d'Olivier? Oui. En plein des sucres, il continue de nous offrir le meilleur de la radio jambon, mais sans le sirop d'érable. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Eh bien, la fin de semaine dernière avait lieu deux matchs hors concours de baseball au Stade olympique. L'occasion pour certains comme moi de se rappeler pourquoi les expos avaient déménagé. Et pour d'autres, comme Dominique Moret de Radio X, de venir visiter la grande ville. Sauf qu'après cinq manches, Dominique en avait plein son casque de Montréal et y est allé se réfugier au 10-30 à Brossard. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Pour la grande majorité des Québécois hors de la région de Montréal, c'est pas compliqué, là. On va au 10-30. On va prendre une bière à Brossard, on va à Terrebonne, on va à Repentigny, mais Montréal comme tel, oh boy! Oui, les gens de toutes les régions du Québec viennent à Montréal pour magasiner au Canadian Tire du 10-30 et boire une bière à la cage au sport du boulevard Taschereau. Ça me semble tout à fait logique. Sinon, après que le Journal de Montréal eût titré « Barrette gradure » suite aux révélations quant à sa prime de départ, Pierre Curzi et Mario Dumont se sont demandé si ladite prime était vraiment un sujet de campagne. C'est pas dans la campagne, mais en même temps, tu peux pas avoir le 1er avril une hausse. Comme ça a été dit au débat, c'est un éléphant dans la pièce. C'est ça. C'est ça, Barrette. C'est l'éléphant gradure dans la pièce. D'autre part, il a encore été question d'intégrité cette semaine et Régent Breton, ancien prof de l'Université Laval, a une excellente théorie pour expliquer ça. C'est que la corruption, là, c'est dans nos gènes. Le Québec, c'est un pays latin. Et les pays latins, ils hésitent, ils oscillent entre la corruption et la révolution. Hein? Les casseroles, c'est très, très récent. Ben quand oui. Tu fais la révolution comme ça régulièrement, c'est une terre très favorable à la corruption parce qu'il n'y a pas de stabilité. La corruption, c'est à cause des casseroles et les casseroles, c'est parce qu'on est latin. J'ajouterais que ma sauce à spag, elle aussi est latine et je la fais dans une casserole. Tout est dans tout. Faudrait quand même préciser que selon le dernier classement de la corruption dans le monde, les pays les plus corrompus sont la Somalie, la Corée du Nord et l'Afghanistan. Je savais pas, mais Kim Jong-un, ça veut dire pot de vin en latin. Mais je croyais qu'un prof d'université devait se baser sur des faits plutôt que des clichés, mais bon, comme disait Mario Tremblay cette semaine, Il y a juste les imbéciles qui se trompent pas. Ben, c'est exactement ça, mais pas vraiment. Quittons un peu la campagne, parce que la semaine dernière, André Arthur en avait long à dire sur ceux qui exploitent le système et qui profite du bonheur des autres. Je parle bien sûr des gens de Lac-Mégantic. Et cette attitude de bougon qui est très répandue à Lac-Mégantic. Ceux qui ont vu les voyages des bougons du Sud vers le Saguenay au temps des fêtes ont vu jusqu'à quel point ça pouvait être bougon, profiteur. N'importe qui d'un peu honnête sait quand t'as un drame, essaye de retrouver le cours de ta vie le plus tôt possible. Oui, c'est comme André Arthur, il a été une vedette de la radio, il a été député à Ottawa, puis après, il a essayé de retrouver le cours de sa vie. Puis ça n'a pas marché. Mais bon, comme l'a si bien dit Patrice Brisebois cette semaine... Ça ne donne à rien de s'appuyer sur son sort. Voilà. Un qui ne s'appuie pas sur son sort, c'est Stéphane Gendron de Radio X, toujours prêt à secourir la veuve et l'orphelin. Il a tenu à se porter à la défense d'André Arthur en mettant un petit peu plus. La mairesse Colette Roy-Laroche, là, ça se prend pas pour un 7-Up flat, là, cette femme-là. Elle refuse de nous parler. Elle ne parle que aux gros joueurs de ce monde. Nous autres, on est des trous de cul pour elle. Puis dès que tu lèves le couvercle de Lac-Mégantic, c'est « Hey, t'es tombé sans cœur! Après tout ce qu'on a vécu! » En même temps, accorder une entrevue à Stéphane Gendron en plein choc post-traumatique, pas sûr que c'est recommandé par les médecins. Terminons avec le climato-sceptique Rénal Duberger qui sévit parfois à l'émission de Mario Dumont et souvent à Radio X et qui revenait cette semaine avec sa théorie voulant que le réchauffement, c'est cool en maudit. C'est au Moyen-Âge, au moment du réchauffement médiéval, qu'on a construit les premières universités, les grandes cathédrales. Les gens étaient prolifiques. Les gens étaient heureux. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas d'épidémie. Au contraire, quand il faisait froid, il y avait tout ça. Il y avait tous ces malheurs qui s'abattaient sur la terre. Eh bien, pas sûr que ceux qui ont survécu à la peste bubonique avant d'aller se faire décapiter par des infidèles lors des croisades seraient d'accord. Mais en même temps, l'hiver s'était tiré pendant la campagne électorale et c'est c'est peut-être pour ça que nous sommes tous rendus malades. Ah, merci Olivier. Vous savez, cette semaine, il y a une lettre du président d'une résidence pour personnes âgées de Amos qui a circulé sur les médias sociaux. Une lettre destinée à leurs bénéficiaires pour qu'ils votent du bon bord. Et la lettre est assez drôle, un peu drame, on peut le dire quand même. Il y avait beaucoup de majuscules, beaucoup de caractères graves. Et ça, c'est pas pratique pour les personnes âgées qui sont non-voyants. Ils pouvaient pas lire. Alors, on a pensé en faire une version audio. Oui. Hein? Et grâce au grand talent de M. Mononcle Saucisse, on la rend très, très, très amusante. Et surtout, c'est la lettre telle qu'elle. Oui, on n'a rien changé, on écoute. Oui. Bonjour! J'ai beaucoup de respect pour M. Gendron, mais son parti est réellement engagé dans un processus pour faire la séparation du Québec et du reste du Canada, tel que franchement déclaré par M. Pierre-Carl Péladeau. Moi, je veux demeurer Canadien et conserver les nombreux avantages à être Canadien, donc je me dois de voter pour M. Serge qui est le candidat libéral. Le vote de chacun est une chose confidentielle! Mais moi, j'ai tenu à vous confier mon opinion pour vous sensibiliser à l'importance de voter! Afin que vous, moi et nos enfants puissent profiter davantage d'être Canadiens, pas séparatistes! Ne votez pas par habitude pour le même bon gars depuis 30 ans! Votez pour le bon gars qui protégera notre pays! Votez Serge, candidat libéral! Si on se fie au sondage, le prochain gouvernement sera probablement un gouvernement libéral majoritaire. Donc, en votant Serge, on s'assure d'avoir un député libéral pour défendre nos intérêts au sein du futur gouvernement libéral. Assurons-nous de ne pas être dans l'opposition. Salutations amicales. Bonjour. Ça n'a pas de bon sens. C'est subtil, ça. Pas sûr qu'on a besoin d'amis comme ça. C'est sûr que non. Pas sûr qu'on a peut-être besoin. Peut-être tu donnes des cours de subtilité, mais bon, qu'est-ce que tu veux pour monsieur? On va les retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, déjà la fin du débat des petits, petits, petits partis. Oui. Et on termine avec Jean-Philippe, le Parti conservateur du Québec. Un parti qui est en forte progression. 27 candidats en 2012, mais 60 à cette élection. Eh mon Dieu! Oui, quand même, et je me trouve présentement avec monsieur Jean-Alex Martin, candidat de la circonscription de Vanier. Des rivières. Hein? Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, vous-même. Très bien, un énorme merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Évidemment, quand on pense à votre parti, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est quelle est aujourd'hui la pertinence d'un parti de droite assumé, alors qu'au Québec, on a déjà le Parti québécois? Bon, ben, ça me fait penser, j'ai eu une étude justement cette semaine là-dessus, que ça a été sorti dans le Devoir sur l'ensemble des partis. Ouais. C'est Poltech, le Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Dans le fond, les programmes présentement, si le moins 100, ça serait le communiste, 0 le centre et 100 le libre marché. Québec solidaire est à moins 46, le PQ est à moins 26, le PLQ à moins 22, la CAQ à moins 21. Donc, en résumé, les quatre programmes qu'on a présentement, c'est entre du centre-gauche et de la gauche. Nous, on a un programme qui est de droite par rapport à eux et qui doit être probablement autour du 0 si on serait ajouté dans ce test-là. Ah! Mais ils sont zéro. Ouais. Alors, évidemment, M. Martin, bon, vous dites que c'est un parti qui est surtout actif dans la grande région de Québec, mais un peu moins à Montréal. Mais vous dites qu'éventuellement, ça va arriver un petit peu à Montréal, cette tendance-là. Vous pensez vraiment qu'à Montréal, éventuellement, on va avoir envie de mettre des bombes à la Place des Arts et de noyer des poches de mulots? Ben, premièrement, notre parti est pacifique, respectueux. Puis quand ça a brassé dans le centre-ville de Montréal, c'était plus l'extrême-gauche, les carrés rouges. Ensuite, pour le monde de Montréal, ben, la dette, quand elle augmente, tout le monde va devoir la payer, incluant les gens de Montréal. Du moins, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se forcent, c'est sûr que les boomers vont prendre leur retraite, mais les jeunes qui nous restent encore 20, 30, 40, 50 ans à travailler, il y a une question de dette. Ça remonte de 1 000 $ à chaque 3 secondes. Je veux pas faire peur à personne, mais je pense qu'il y a du monde, qu'il y a une question. Tu sais, quand on s'endette, quand la carte de crédit en monte, un jour le bill va falloir le payer. Tu sais, donc je pense qu'il y a quand même de quoi de sérieux là-dessus à prendre. Il faudrait la découper, la carte de crédit, Monsieur Martin. Merci beaucoup. On vous demande d'être présent, d'être vigilant pour que enfin arrête le grugeage. Merci beaucoup. Il y a un mot de la fin. J'invite vos auditeurs à aller faire la boussole sur Radio-Canada qui n'ont pas encore fait le test. Il y en a qui pourraient être surpris et tomber sur notre parti. Merci beaucoup. Ça serait très bien. surprise. Merci. Merci Jean-Sébastien. Fred, notre dernier chroniqueur. C'est le dernier droit de la campagne et notre correspondant parlementaire met toute la gomme jusqu'à la fin. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Yeah! Bon. Voici donc mon quiz électoral au chef. C'est à eux de répondre. Alors, on commence avec Pauline Marois. OK. Complétez la phrase suivante. Ouais. À la lumière de votre fin de campagne, la charte de Bernard Drinville était A, la meilleure idée depuis André Boisclair. B, nécessaire pour protéger nos piscines privées et la tyrannie islamiste. Ouais. C, je suis déterminé. C'est une bonne réponse, c'est quand même. Ou D, c'est la faute à Yves Desgagné. Ah, il n'y a pas de toutes ces réponses. Non, mais ça, c'est toujours le E. Okay. Deuxième question à Mme Marois. Il n'y aura pas de référendum A, tant que les Québécois ne seront pas prêts. Oui. B, tant que Pierre Péladeau n'aura pas donné le go. Ouais. C, tant que Jeannette Bertrand fera des cours d'aquarium. Quoi, Jim? Ouais. Ou D pour au moins 4 ans à partir de lundi. Ah oui, ça c'est intéressant. Philippe Couillard, comment qualifiez-vous l'époque de Jean Charest? A, une période économique florissante, surtout pour les donateurs du PLQ. Oui, c'est niaiseux, mais regarde. B, le jackpot pour mes anciens collègues médecins spécialistes. Ouais. C, André Pratt fait dire que c'était bien correct. Ou D, je vous jure, Arthur Porter, c'est pas mon ami. Monsieur Couillard, les vraies affaires, c'est quoi? A, des chiffres et faire peur au monde. Ouais. B, tout ce qui parle pas de culture et d'environnement. Ouais. C, embrasser les pieds du Canada. Ou D, je vous le jure, Arthur Porter, c'est pas mon ami. C'est pas ton ami. Non. Bon. François Legault, maintenant, dites-nous une chose gentille à propos de quelqu'un. A, Philippe Couillard n'a pas de couilles. Ça, c'était pas fin, ça. B, les libéraux ont un bilan de merde. Oui. Je cite, là. C, les électeurs sont des incompétents paresseux qui devraient se botter le derrière. Ou D, tais-toi, femme, c'est moi qui parle. Malgré tout ça, il monte des sondages. Toujours à François Legault, nommez un pilier de votre équipe de candidats. A, B, C, ou D, Gaétan Barrette. Finalement, Françoise David, outre décorer votre autobus, quelle est la promesse la plus réalisable de Québec solidaire? Ouais. A, l'abolition du capitalisme. B, éliminer la moitié des automobilistes. C, investir dans l'élevage de licornes progressistes, écologistes et féministes. Mais ça, c'est presque fait, ça, non? Ou décontrôler Amir Kadir. Et finalement, dernière question aux électeurs. Oui. La campagne électorale 2014 a été A, la meilleure depuis Nous sommes prêts en 2003. Ouais. B, la plus violente depuis la scène de carnage de 19-2. Ouais. C, la plus riche de contenu depuis la dernière émission d'Alors on jase. Ouch. Ou D, moi, tant qu'il passe la voix puis qu'on me laisse conduire deux chars, lâchez-moi tranquille. Merci, Jean-Philippe. Bon vendredi. C'est déjà terminé. Restez à l'écoute, je vous en prie. C'est la Bibliothèque de René dans quelques minutes. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Rasticot, Steve Côté, Jean Gagnon, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos deux invités de ce soir. M. Arcand, M. Lisée, bonne fin d'élection, bonne journée électorale. Et M. le ministre, on se revoit très bientôt. Je parle à M. Arcand, évidemment. C'est déjà tout pour nous. Si vous voulez nous réécouter, évidemment, c'est en balado sur iTunes. Et la semaine prochaine, si vous voulez assister à l'émission, on enregistre les vendredis à 16h. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.